Bonjour, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'Abba. Bonsoir Monsieur Melon. Salut Grégoula. Bonsoir David à la technique, fidèle au poste, fidèle à la technique pour faire du secret du son d'Abba. Blague une blague, presque juste une blague. On commence tout de suite cette émission avec Dead vs Massive, une compilation de voilà, haute tenue. Un album collectif, on va dire, plutôt qu'une compilation, puisque ouais. Tous les instrus, la production est assurée par Will Brooks, alias MC Dialek. On va s'en écouter un extrait de cet album Take Over. On va s'écouter We Know avec un featuring de Jim Brown et de Scalala. Dead vs Massive dans le secret du son d'Abba tout de suite. Fetty aroma. I like that, I like that, I like that, I like that. Can I drop in here, darling? Chill. Yeah, I like this dialect. I like this. Make me feel this way right now. There's a story about me, yo. Cerebral assassin with several palsy. I'll grind on your brain like you were made out of coffee. A liquid diet? Nah, I guess that you saucy. Where you corny act when you're beating just offbeat. Beatmaker, colossal and raunchy. I react like Picasso on the limelight when they draw me. I'm AP in the fights whenever they toss me. I run for the score to whatever it costs me. I'm built like a beast, don't ever involve me. The tax style, I got a nigga feeling so salty. Snoop like I'm donkey. And I'm married to my so-so. I would never divorce me. The underdog like the Marlins back in 03. And still won it all cause them niggas just OD. I'm from a place where I'm considered an OG. From all the scars and shit that ever indulged me. You feel me? We know the shit. We know the act. We know the mic. We know the jack. We know the shit. We know the raps. And I don't like you cause it's just like that. I gotta fit the flavor, make the moves. I gotta do what I gotta do, roll with my attitude. I gotta pay my dues, walk down this avenue. I'm gon' stop, man, check out the latitude. I see the vision and I'm posted on the top. It's just like a stop, always watching cops. It's TNT, and I patrol the pigeons. Don't play around with me, man, I can hit you with some written. And what I'm getting, it be that money we be taking. And watch out one more time for the bacon. We pay them, we catch them, we fry them. Play it, no lying, don't play around, man, we watch them spying. I'm trying, we going, we getting, forgetting. As soon as I zone out, what the hell is we wetting? The scene, the session, the people, the lessons. My people gone right now, man, forgot to mention. They gone, it's on, it feels so strong now. It hurt me how, I'm talking about I feel the pain. It's fucked up, but I can still see the stain. He gone, it's wrong, how he came. How we gon'? I'm gon' keep spittin'. I ain't stopping no longer. I'm gon' keep living, and I'm gon' keep wishing, and I'm gon' keep thinking that we gon' make it soon. Later, drop me in some Lincolns. Slow it down, make it loud. Make sure when you hit them hard, man, you feel the crowd. Stop me now. We know the shit. We know the act. We know the mic. We know the jack. We know the shit. We know the raps. And I don't like you. Check this out, it's a process, the conscience is burning, the fire. I'm feeling like I'm done with, I feel like I'm tired. Feeling my emotion, my potion, my backwards. Saying to myself, the front got me thinking. I'm flipping the money, the schemes, the drinking. Got me flipping to the point I can't see the vision. My mission's to make it the future. If I don't make it, that means I'm about to shoot you. Deceit you, delude you, hurt you, just burn it. I don't really know, they don't like it or concern them. It's not my fault, I just thought it's my purpose. If I break it down, then that means that I'm nervous. And I don't know why he thinking he ain't like me. But just, he ain't the same, so it ain't a game. I see the shame, the passion, the frame, the life that I dealt with, the pain. Nobody know the story, the glory, the back, the mommy. The fucking people that claim they're in me, they know me. I'm like Kobe and the niggas got my fourth ring. The motherfuckers still think I suck and not do my thing. You crazy motherfucker, put it down, I'm just a king. You just a broken down nigga claiming you got bling. We Know de Dead vs Massive sur l'album Takeover. Morceau un peu en forme d'éclaircie après une giboulée d'avril qui se prend pour le mois de mars. Oui, c'est vrai que la température a baissé et on se retrouve bien dans Brooklyn dans ce morceau-là, voilà. Bien urbain. Voilà, bien urbain, on entend du gangstar, on entend sur certains morceaux, j'ai même pensé à Stereo MCs, des choses comme ça, Non Loin de Nous qu'on a passé récemment, Farwa et Munch. Il y a quelques morceaux un peu plus menaçants, vraiment typiques de Dialek, comme l'excellent Causing Funerals. album en tout cas que je vous recommande pour sa variété, avec bon nombre d'intervenants qu'on ne connaissait pas ou que je ne connaissais pas, à l'instar des deux protagonistes là, de We Know, Jim Brown et Scala. Il y a Morrican, il y a Dilemma, bah évidemment Audati qu'on retrouve, et puis Will Brooks alias MC Dialex sur quelques morceaux. En tout cas, un album donc collectif que vraiment j'ai apprécié, sorti par Deadverse Recordings, uniquement en CD pour le moment. Bon, on attend la copie. On attend peut-être la copie sur vinyle. En tout cas, qui fait suite au très bon album d'Iconoclast, sorti voilà, aussi fin 2011. Qui fait qu'on continue gentiment à s'intéresser au travail de Will Brooks en dehors du combo Dialek. Voilà, et son pote Octopus. On poursuit et on quitte les États-Unis pour aller. À Metz, eh oui, c'est Terre des Contrastes, c'est le secret du son là-bas. On retrouve une nouvelle formation, enfin l'autre formation du chanteur-guitariste de Feeling of Love. Je parle de Funk Police. Funk Police qui vient de sortir un premier album assez jouissif, à mon avis, qui mélange groove, post-punk, funk. On pense évidemment à Peel, à Jameson, c'est les Construction. On retrouve donc un membre de Feeling of Love, mais aussi on retrouve un membre de Deadest Beaters, autre combo underground de Metz qui fait aussi les choux gras des blogs de l'internet. On va écouter un extrait de leur premier album qui s'appelle Hot We Are Funk We Play, sorti sur un petit label italien qui s'appelle Ayan, tiré à 350 exemplaires. Je pense qu'à l'heure où je vous reparle, il n'y en a plus, parce que cet album c'est vraiment dans le genre post-punk, une petite bombe. Et on va écouter le morceau qui s'appelle Back Inside You, Funk Police, dans Le Secret du Son d'Abba. We'll be right back. her hand as our girl was born. She had your mouth and she had my eyes. We taught her to sing and how she played the piano. Singulière, la musique de Estrade Life, elle est totalement... très étonnante, en effet. Voilà, c'est leur troisième album. Moi, je les avais découverts sur deuxième album, sorti il y a 2 ans maintenant. On vient d'écouter un extrait de leur donc ce nouvel album qui sort chez, en CD, entre autres, chez African Tape, bien connu de la scène noise française. Le titre qu'on vient d'entendre, c'était Ride House Seed. Voilà, troisième album pour les New Yorkais, dont leader Charlie Looker, voilà, avec son chant moyenâgeux, hein, parce que c'est pas trop. C'est surtout le chant qui est déstabilisant plus que la musique qu'on connaît, voilà qu'on appréhende assez rapidement. Voilà, et évidemment, le chant évidemment fait toute la particularité de ce groupe qui est passé d'un quatuor à un trio en l'espace de quelques mois. Voilà, violoncelle, guitare, clavier. Ça me rappelle vachement la démarche similaire à Albot, ce groupe suisse là des années 90 qui avait cette même tendance mélangée sonorité noise rock, post-punk anguleux et musique ambiant, voire new wave, un peu de pas bad cave, mais tu vois un peu il y a quelque chose, il y a beaucoup de lumière dans la musique de Extra Life, c'est pas quelque chose de très il y a des néons dans la cave, on va dire. Il y a des néons dans la cave, mais on est dans la cave. Et voilà, vraiment un très bel album, salué par les copains, que ce soit Heavy Mental, Gwendal, Cafuel, et c'est vrai, j'avoue que je suis totalement sur charme. Évidemment, il faut passer le cap de la voix. Ça peut bloquer, mais quand on rentre dedans, vraiment après, c'est plus du tout une barrière, c'est vraiment une courroie d'entraînement, et après vraiment, ça fonctionne à 2000%. C'était Extra Life dans le secret du son d'abat. On poursuit avec une très belle date dans le Pays de l'Orient. La date du printemps, tu veux dire. C'est quasiment la date du printemps. Elle aura lieu dans le bar concert du printemps. C'est Karma to Burn. Karma to Burn, pionnier, enfin, ou en tout cas, post-pionnier. Du stoner qui seront en concert donc au Galion à Lorient le 9 mai. Et donc ça sera évidemment une date à surtout pas louper. On sait à quel point ce groupe a engendré d'innombrables groupes stoner qui maintenant pullulent des suiveurs ou pas, mais en tout cas Karma to Burn, ce groupe un peu particulier parce que ça reste quand même globalement un groupe instrumental, c'est-à-dire que sur ce cinquième album il y a trois chansons chantées, superbes chansons, mais globalement c'est un groupe qui est instrumental et ça fonctionne vraiment très très bien. On aura la chance de les voir au Galion le 9 mai. On va écouter un extrait de leur cinquième album, ça s'appelle 5, donc comme ça on s'est pas trompé, un album vraiment réussi, sorti courant 2011. On va écouter le numéro 49, et voilà, que dire, que c'est un peu les maîtres du genre. Et voilà, que c'est juste une date immanquable. Ils nous font l'amabilité de venir jouer à Lorient, parce que j'ai cru comprendre au départ que c'était finalement une sorte de day off. Il y avait quelques trous dans la tournée. Et c'est quand même assez notable pour l'évoquer. Je veux dire, tout l'esprit. Voilà, ils prennent à peu près que dalle pour venir jouer à Lorient. Ouais. C'est quand même un bel état d'esprit dont on n'entend pas souvent d'exemples identiques. Exactement. Et les copains les ont fait jouer un peu dans les mêmes conditions à Poitiers il y a quelques mois. C'est vraiment un groupe qu'aime mettre sur la route, qui est sorti de la dope. Ils ont eu un sale moment pour chacun des membres. Et vraiment, là, ils sont avec des good vibes depuis maintenant deux albums. On écoute donc un extrait de ce dernier album dit numéro 5, Karma to Burn, dans le secret du son d'abat. Ben voilà, j'ai plombé l'ambiance. Bonne petite averse de, de plomb, en effet. Voilà, après le stoner mélodique de Karma to Burn, place au sludge nauséeux de Love Sex Machine, avec le morceau Deafening Peep Show, donc trio sludge de Lille. Oui, dans le nord de la France, trio qui vient de sortir son premier album sur Throwriner Records, le label d'origine morbihannaise basé à Saint-Brieuc. T'as noté. Donc voilà, vous avez pu écouter un extrait de cet album qui défonce. Ça sent un peu le corridor de l'apocalypse. Hein, ça dégueule la haine, ça dégueule du désespoir, ça pisse du sang. C'est bon, ça s'appelle Love Sex Machine. Voilà, pour ceux qui aiment bien Céleste, les derniers travaux bien sombres de Céleste et les Gravity, mais un cran en dessous, au-dessus, je veux dire. Et ben vraiment, ce premier album, comme tu disais un peu hors micro, Sylvain, c'est la fessée. Et vraiment, je pense qu'il faudra marquer sur nos petits agendas quand est-ce qu'ils viendront dans le coin, parce que si ça sonne en live comme ça sonne sur le disque, autant vous dire que on va avoir mal. Voilà, c'était Love Sex Machine dans Le Secret du Son d'Abba, un album, vous avez bien compris, chaudement recommandé. Alors on va rester assez frontal, même si on pourra pas rivaliser avec effectivement ce torrent de vomissures haineuses en provenance du nord de la France, avec les Anglais, je crois bien, de Empty Set, le duo Empty Set qu'on avait diffusé pour leur deuxième album il y a quelque temps, Demiurge, sorti sur Substax, et puis Substax. Et entre-temps, bah, il s'est passé deux, trois épisodes. Un nouvel album qui est sorti au moment où on cause et qu'on aura peut-être le loisir d'écouter une prochaine fois. Et puis surtout, un EP et puis des remixes d'un morceau qui s'appelle All Together Lost, dont on va s'écouter l'original, en fait, plus que les remixes. Une électro frontale, j'ai envie de dire presque murale. Mange tes parfums. Contre laquelle on prend un plaisir malsain à se râper la tronche. Un très gros son. Secret du son d'Abba, c'est sponsorisé par Lafarge là, ce soir. ça. Donc très gros son réduit à l'essentiel, comme tu peux l'imaginer. Avec un featuring d'un garçon qui s'appelle Cornelius Harris, qui est en fait un gars de la bande de Underground Resistance à Détroit. Qu'on a pu entendre ici et là, notamment dans le groupe Galaxy to Galaxy, enfin le collectif Galaxy to Galaxy, voilà. Donc c'est pas forcément le plus connu de la bande de Detroit, mais en tout cas son slam, qu'on devine aussi poétique qu'engagé, fonctionne à merveille sur ce EP All Together Lost. À noter de l'autre côté, puisque on va s'écouter ça en vinyle, l'autre côté c'est un remix au long cours d'un spécialiste de la techno club qui s'appelle Chris Liebing, mais qui là je dirais en tire le meilleur, arrive à garder l'esprit assez froid tout en faisant ressortir le groove. Quoi qu'il en soit, on va s'écouter l'original All Together Lost, donc Empty Set featuring Cornelius Harris. When the chill of Earth-like rested is uplifted at the glance of the red sub-million crested, and the forest blossoms dance with the light that stirs and lusters of the dawn, and with the bloom of the wind's cheek as it clusters from the hidden valley's gloom. I walk in woodland spaces, musing on the solemn ways of immemorial places shut behind the starry rays of the east in all its splendor, of the west in all its peace. And the stubborn lights grow tender, and the hard sounds hush and cease. And the wheel of heaven revolving, mysteries of death and birth, in the womb of time dissolving, shape anew our heaven and earth. Ever changing, ever growing, ever dwindling, ever dear, ever worth the passion glowing to distill a doubtful tear. These are with me, these are of me, these approve me, these obey. Choose me, move me, fear me, love me, master of the night and day. These are real, these illusions, I am of them, false or frail, true or lasting, all is fusion in and the spirit's shadow veil. Vision shows a countenance and fear. Laughs with a lure to derision. Only comes to disappear. God's mortals, mind and matter, in the glowing blood to sever. Vein from vein they rend and shatter. And on nothingness forever. In the blessed being enlightened, perfect eyes these visions pass. Pass and cease foreshadows frightened. Leave no stain upon the glass. Last, one last rope, oh heart remastered. When that certain calm of will and the maker of disaster shall be stricken and grow still. Burning to the core of matter, to the spirit's utmost flame. Consciousness and sense to shatter, ruin sight and form and name. Shatter like reflected specter, they rise up in mist of sun. Sun dissolve in showers of nectar, and the master's work is done. Done, work, done, work. Nectar perfume gently stealing, masterful and sweet and strong. Cleanse the world with light of healing in the ancient house of wrong. Free a million mortals on the wheel of being tossed. Open wide the mystic portals and be all together lost. Chris Clark dans Le Secret du Son d'Abba, c'est l'album Balearic hein, de Chris Clark, 10 ans après, un peu plus de 10 ans d'ailleurs peut-être, après son premier effort. Un peu plus de 10 ans, ouais, je pense qu'il y a... Mais tout le monde n'est pas toujours capable de produire l'album Balearic, mon cher Greg, et celui-là est un peu raté, hein, faut bien dire ce qui est. C'est un album assez attendu et en effet qui n'est pas forcément à la hauteur des prétentions. Présenté par l'ami Clark, qu'on aime beaucoup. Ça s'appelle Ira Delphix, c'est vrai qu'on est assez déçus. On en passe un extrait parce qu'il y a quand même quelques petites perles, quelques jolies. Jolies atmosphères à l'image de ce morceau qui s'appelle The Pinning. Là, on vient de s'écouter la deuxième partie. C'est un morceau en trois parties, enfin, c'est une pièce en trois parties avec des volutes vocales signées Martina Toplaybird qui intervient sur au moins deux autres morceaux de tête. Au moins, ouais. Qu'on disait un petit peu écrite pour elle, mais pas complètement abouti. Ouais, c'est pas un album très abouti. On voit bien qu'il essaye de changer de braquet, l'ami Clark, mais voilà. Moi, j'avoue, hein, je l'ai écouté plusieurs fois. Je suis pas forcément rentré dedans. Je suis comme toi. Finalement, on compose pas des pop songs comme on veut. Hein. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben et non. Voilà. Et pas plus qu'on ne sort sa guitare pour faire des ambiances un petit peu folk. Folk-tronica, comme on dit désormais, là, parce que ça, l'album démarre par une ou deux pièces comme ça, de guitare traitée. Et là tu repenses malheureusement à Sœur de Foundation, et là, c'est un peu la branlée. Ouais, enfin, disons, voilà, à la fin des morceaux, t'es là, bon, ben alors, en fait, il s'est encore rien passé, quoi. Voilà. Et c'est un peu on est en train de descendre en flèche ce disque. Ben, parce que voilà, on est déçus, on adore Clark, on vous le passe quasiment systématiquement, le moindre remix, on y prête attention, donc forcément. La déception, elle est à la hauteur des attentes qu'on y place. Hein, et, n'empêche que voilà, il y a quelques beaux morceaux, je vous dis, notamment vers la fin du disque, qui valent vraiment le coup. Mais presque à croire que Warp n'y croyait pas plus que ça, puisqu'ils ne l'ont sorti qu'en simple LP, là où ils ont l'habitude de sortir ces albums en double. Allez savoir. La crise du disque. Ou alors la crise est passée par là chez Warp aussi, ce que j'ai peine à croire. Pardon. Oui. On poursuit avec. Alors là, on va partir plus dans l'artisanat. On quitte les gros studios warpiens avec Sulk Records. C'est aucune idée de quel est ce label. Pas plus que je n'ai idée de qui sont les gars derrière Patrice and Friends. Ça nous vient c'est de Londres. C'est des... mon cousin voilà, Patrice. C'est des gars de Londres. Avec un album là, qui est sorti à la fin 2011, dont on va s'écouter un extrait qui s'appelle Cashmere Sheets. Et puis entre temps, Champagne Sonaz qui est sorti en début 2012. Peut-être on y jettera une oreille, un de ces quatre. On est dans le footwork, la juke. Je sais pas si t'as suivi un petit peu ce mouvement là qui nous vient de Chicago avec ses rythmiques assez accélérées. Qui prête finalement un son pour des mouvements de danse pas si éloigné que ça de la danse tsonga très très démembrée du côté de je dirais de la partie basse du corps avec des mouvements assez accélérés au niveau du jeu de jambes très désarticulé. Et voilà, c'est une danse assez instinctive, assez primale, parfois inspirée. Ça tient évidemment beaucoup la personne qui le voilà. Qui, ça, ça, qui la danse, ça ouais. on est évidemment pas loin du freestyle hip hop aussi. C'est une danse et donc aussi un son avec des rythmiques très très sèches, beaucoup de boîtes à rythme, très très sèches, très très décharnées. Des basses qui font tout à la fois penser à la ghetto house, parfois à la drum and bass aussi, pour la version plus anglaise. C'est un mouvement qui a maintenant, on va dire, au moins deux ans, qui a été, j'ose pas dire popularisé, mais qui marche, enfin voilà, qui est né à Chicago, mais qui a connu son petit succès d'estime en Angleterre, puis en Europe grâce au label Planet Mew. Ça crée des émules. Patrice and Friends en son, mais ils ont aussi écouté Prince, ils ont écouté Cameo, ils adorent le boogie, ils ont adoré les bandes originales de films façon Flic de Beverly Hills et compagnie. Ah, c'est un peu des potes. ça donne un mélange assez assez vulgaire mais assez savoureux, bien bien cheap comme on aime. Ça plaira forcément aux amateurs de Shangan Electro et compagnie. On va s'en écouter un extrait, ça s'appelle Gasp. Je vous recommande vraiment ce Cashmere Sheet qui doit pouvoir se télécharger depuis le bandcamp du projet Patrice and Friends ou depuis le bandcamp de Sulk Records. On s'écoute ça tout de suite, Patrice and Friends dans Le Secret du Son d'Abba. Oh, Yeah. Shangan Shake. Shangan Shake dans le secret du son d'Abba, le retour du son Shangan. Voilà, on a fait nos choux gras, on adore, on est bien les seuls, j'ai l'impression, à adorer la musique Tsonga dans sa déclinaison électro. En provenance d'Afrique du Sud et de Mozambique, et puis évidemment à l'image de ce qui s'était produit avec Mujava, un morceau et 50 remix. C'est une affaire lucrative, monsieur. Eh bien, il en va de même avec Checha Boys et leurs comparses de la scène de Johannesburg, puisque la Best Honest Jones de Londres, au sein duquel on trouve l'ami Damon Albarn, il fait partie des conseillers techniques, voire même des gars qui ont des capitaux là-dedans. Ouais, c'est surtout lui, il a toute la thune. Voilà, donc Honest John, évidemment, s'est emparé de, comme tant d'autres, des perles en provenance d'Afrique et tout particulièrement de ce son Shangan et nous le sert sous forme d'une série de remix. Alors, ouais. On avait diffusé il y a quelque temps un EP avec le projet de Bristol Peverlist et puis on retrouve évidemment Peverlist sur cette compile puisqu'en fait c'est une compile qui regroupe en CD ou en double CD peut-être maxi, même quoi. Tous les maxi, voilà, il y a une palanquée de maxi avec plusieurs remixes, parfois un remix par face, parfois un ou deux. Et puis les grands noms du moment ou les grands noms de ces 15 dernières années à l'image de Marc Ernestus dont on a déjà parlé, le fondateur de Basic Chanel aux côtés de Maurice von Oswald et le propriétaire du shop Artvax à Berlin. Peverlist, on en a parlé. On parlait tout à l'heure avec Patrice and Friends du son Footwork. Ben, on a les deux principaux représentants de ce mouvement, ou les plus connus en tout cas, Rachad et Spin, qui livrent leur relecture Footwork du son Shangan. Et on voit tout à fait les ponts qu'il y a entre les deux. Et de son, comme tu l'expliquais juste avant, pour Patrice and Friends, en fait. Voilà, voilà, c'est ça. Mm. Old Apparatus, Theo Parrish, Dame Dykister, qu'on va s'écouter juste après, Anthony Shakir, Bernd Friedman, etc., etc. Voilà, c'est une compile avec moult relectures, globalement assez intéressante, bien groovy. On perd pas l'esprit Shangan en route, et c'est bien le principal. Voilà, Shangan Electro, vous en aurez encore dans le secret du son d'Ava. Je suis en train de me rendre compte qu'on n'a même pas dit qui était l'auteur de ce remix. C'est un garçon qui s'appelle Oni Eyun. Voilà, Oni Eyun meets Shangan Electro. Bonjour à lui et merci pour ce bon son. ce bon son. On continue, tu disais avec Dem Dykister, voilà, qui a livré lui aussi son remix pour la compile Shangan Shake. Il manque juste le nôtre en fait. Voilà, il manque. On y travaille, mais pour le volume 2, n'est-ce pas? Et Dem Dykister, donc, alors là, on part plutôt sur leur propre production à ce duo, sa propre production à ce duo, avec un extrait du nouvel album. C'est un double CD en fait qui, alors à chaque fois, ils sortent des CD ou des doubles vinyles, mais qui reprennent en fait des maxi qui sont parus auparavant. C'est le cas de ce Elemental. Qui reprend un certain nombre de EP parus juste avant en 3 ou 4 parties, je crois bien, sur le label tout est paru sur le label Modern Love. Et alors Dame Dykister, c'est un duo composé de Sean Canty et de Miles Whittaker. Sean Canty, il est connu comme étant, enfin, alors ils viennent tous les deux du Lancashire, donc le comté de Manchester. Et il est connu comme un des gros collectionneurs de disques du coin. Il est d'un des membres derrière le label Finder Keepers, je sais pas si tu vois ce truc là, qui est un des spécialistes un petit peu façon soul jazz, etc., qui ressort tout un tas de pépites de nulle part. Et que la musique de film, de façon frénétique. La musique de film d'horreur turc, enfin tu vois ce genre de truc, tu vois. Et puis Miles Whittaker, qui donc fait partie du crew Modern Love, qui est plus connu pour ses accointances avec la scène, on va dire, mi-électro à la Outtaker, mi-techno à la Basic Channel, toujours Basic Channel, c'est cette référence qui revient en permanence ces dernières années. Modern Love, donc, dont fait partie Miles Whittaker, en tout cas c'est un des membres du crew, c'est le label du magasin Boomcat, qui est un gros magasin en ligne de, à la fois de, pour les MP3 mais aussi pour le physique, pour tout ce qui est musique électro moderne. Et Dime Dykstra, voilà, c'est cette rencontre d'un passionné de musique plutôt dark, plutôt étrange, et de quelqu'un qui ferait la synthèse de Basic Channel et Autechre. Donc ça donne quelque chose qui n'est pas franchement complètement nouveau, mais on est vraiment dans toutes les déclinaisons possibles et imaginables de la musique, des musiques sombres, sans que ce soit pour autant agressif. Il y a toujours quelque chose d'assez... On a envie de pousser la porte et de descendre dans la cave, si tu veux. On n'est pas effrayé, mais on se laisse entraîner. On sait pas trop où on va avec eux. Ils ont un panel sonore qui est hyper large. Moi j'ai mis du temps à aller vers ce projet, alors que tous les copains me le conseillaient. Parce que peut-être ils ont déjà produit pas mal de trucs, je savais pas trop par où prendre le bout, et puis finalement on s'écoute tout d'un trait. Je me suis écouté le triptyque de 2011 qui regroupait tous les EP parus entre 2010 et 2011, puis le Elemental qui regroupe donc les EP paris fin 2011 début 2012. Et productif en plus. Et ça passe tout seul, voilà, c'est vraiment productif et inventif. On n'a pas l'impression d'écouter deux fois la même chose, alors que pourtant on tourne toujours autour de la même idée. Ça, c'est assez fort. On va s'écouter le morceau Mnemosyne, excusez-moi pour la prononciation. C'est sorti donc sur Modern Love, c'est Dime Dykstra. On est à la Lémont. Allah, c'est ta fanourora. Allah, sali wa salima. Allah, sali wa Allah. Menta Deni, Molid ensemble dans le secret du son là-bas, tiré de ce très bel album qui s'appelle La Lune s'est levée, sorti sur Bouddha Music en 2011. On est en pleine musique soufie, cet ensemble qui vient de Tanzanie, hein, de Zanzibar, qui a été fondé en 1960, qui s'exprime vraiment dans le pur style typique de la dévotion religieuse soufie. Donc évidemment qui va prendre ses racines dans le monde arabe très ancien et qui il y a deux temps dans la musique soufie, je lis mes notes, hein, le Dahala qu'on vient d'entendre qui est les débuts des séances soufies et ensuite il y a un passage au poème de louange qui s'appelle les Kassidas, voilà. Alors ça peut être en arabe ou en swahili, en tout cas bien souvent ça parle de la description du ciel et de l'enfer, hein, c'est sympa, et ça célèbre aussi un peu la vie. Donc vraiment un album avec 4 Dahala, donc vous avez bien compris des débuts plutôt de séances de soufi, et vraiment c'est très très beau, avec des percussions ça devient de plus en plus ample, et c'est vraiment très très très chouette. Voilà, que je peux pas vous en dire plus, si ce n'est que je vous invite vraiment à l'écouter de cette série sur Bouddha Music. Il y a 7 CD qui reviennent un petit peu sur la musique de Zanzibar, autant la musique folklorique, on va dire, originelle, ou sous l'influence du jazz, de l'afrobeat, etc. Une très belle série. On remercie Angèle de nous avoir découvert. Cette belle série, donc Angèle de Run Production, tu veux dire. Exactement, voilà, qui vient de nous faire découvrir Menta Deni, Molid ensemble. On poursuit et on termine. L'émission. Ouais, voilà, c'est une longue émission avec un retour parce qu'on nous semble-t-il, on n'en a pas trop parlé, en tout cas dans notre beau territoire hexagonal, du deuxième album de Buraka Sound Systema. Ben voilà, on s'était fait une joie de sa parution, ouais. Et puis on en avait parlé tout en passant d'ailleurs un extrait du précédent, et puis on s'était dit bon, les médias, les blogs vont faire le reste, ça guinche, c'est la produit. Musique du moment, ouais, c'est produit. C'est plus produit, donc plus accessible que le premier, on n'aura pas besoin d'en dire quoi que ce soit. Et puis on voilà, on est 3-4 mois plus tard, et puis il nous semble qu'il ne s'est pas passé grand chose autour de ce disque, ouais. Qui est clairement moins bien que le premier, mais qui quand même regorge de tubes. Ouais. On déplorera, ou tu déploreras peut-être la production un poil trop enrobée. Un peu, mais voilà, il faut s'y faire, c'est tout. Voilà, il y a peut-être du suremballage. Hein, mais les chansons elles sont là et les mais les chansons sont là, voilà, ça guinche, ça fait bouger les petits culs et ça mon pote c'est l'important. On s'écoute Hypnotized et on se dit à très bientôt mon cher Grigola. Ah ça pour faire bouger les petits culs. On s'y connaît. Boraka Sound Systema. I'm like hypnotized. But wait, that's the perfect melody, right? I'm like hypnotized. I'm like hypnotized. I'm like hypnotized. Done. Do not stop that. Wait, no, my signature. I'm telling you. It's like... Ha ha ha.